La transparence en soi, j'ai décidé aujourd'hui d'aborder ce sujet parce que pour moi, c'est extrêmement important que les choses soient claires par rapport à moi-même, en moi-même. Donc, de voir clair en soi pour enlever des voiles. Par contre, ici, quand que je parle de transparence, je ne parle pas nécessairement de transparence mur à mur. Parce que sans ça, on tombe dans l'attitude psychologique. Donc, la personne qui se dit 100% transparente avec les autres, son environnement en termes de parole, d'action, tout le temps, pour moi, ce n'est pas nécessairement approprié parce que c'est un comportement qui peut manquer de nuance et exposer des personnes à des informations ou des choses qu'elles ne sont pas capables d'absorber et qu'elles n'ont pas nécessairement absorbé de leur vivant. Si, par exemple, à l'intérieur de moi-même, mon rapport que j'ai par rapport aux notions, par exemple, de Dieu, de péché, de sexualité sont claires, je n'ai pas nécessairement à être transparent dans ma compréhension, par exemple, de la notion de Dieu par rapport à ma grand-mère, qui, elle, est croyante au Dieu que les religions lui ont présenté. Donc, si moi, mon rapport avec le culte aurait été renégocié, puis je n'ai pas nécessairement la vibration de lui partager ça, parce que je n'ai pas la vibration qui est capable d'absorber ce type de propos-là, ben c'est pas intelligent pour moi de lui en parler. Même chose dans ma vision de la sexualité, puis de l'épanouissement sexuel, puis de la nudité. Donc, c'est sûr que si je pratique le naturisme, donc par exemple, aller me faire bronzer nu à la plage, et que je sais très bien que ma grand-mère a grandi dans un cadre religieux extrêmement strict, sévère, notamment dans le rapport au corps, que présentement n'a pas nécessairement la vibration de changer son rapport au corps de ce que je capte. C'est pas nécessairement pertinent de lui amener ces propos-là. Fait que pour moi, la transparence mur à mur, là, puis l'attitude psychologique de tout le temps être transparent, c'est pas nécessairement approprié. Donc, par contre, c'est fondamental pour moi, la distinction que je fais entre la transparence pour les autres et la transparence pour soi. C'est que pour moi, c'est fondamental d'être totalement transparent par rapport à moi-même pour pas que je me bullshit, que je me rende compte à moi-même des menteries. Donc, autrement dit, dans mon intériorité, il faut que les choses soient totalement claires. Puis ça, c'est au détail près, au millimètre près, d'une certaine façon. Donc, qu'il y ait une clarté absolue en moi-même par rapport à qu'est-ce que je veux, puis qu'est-ce que je veux vraiment. T'sais, qu'est-ce que je peux penser vouloir, puis qu'est-ce que je peux vraiment. Qu'il n'y ait pas d'arrière-pensée, que tout soit limpide à l'intérieur de moi, que tout soit harmonisé à mon être réel. Donc ça, c'est pour moi, c'est fondamental. Mais la transparence par rapport aux autres, c'est pas nécessairement pour moi approprié parce que les gens n'ont pas nécessairement la capacité d'absorption de qui qu'on est, de qu'est-ce qu'on peut capter. Donc si une personne, par exemple, elle a passé à la conscience supramentale de son vivant puis connaître une renégociation de son rapport à l'occulte, lui présenter une vision différente de Dieu, de l'esprit, de l'âme, ça peut être pertinent si on a la vibration qu'elle a à être en contact avec ce type d'information. Mais si elle n'a pas à renégocier son rapport avec l'occulte, puis qu'on a la vibration plutôt qu'elle a à rester avec le cadre religieux sévère dans lequel elle a grandi de son enfance, et puis ça va être ainsi jusqu'à sa mort, parce qu'elle est avancée en âge, puis qu'elle n'a pas nécessairement la structure psychique pour absorber le choc d'idées nouvelles qui l'amenait à modifier son rapport avec le culte, bien, à ce moment-là, ça ne sert à rien de vouloir changer. En fait, dans Ah, c'est intéressant. Dans l'intégration de la conscience nouvelle, l'individu n'a pas à vouloir à changer les autres. Il est plutôt à s'ajuster à lui-même en totalité. Puis, dans le fond, être transparent par rapport à lui-même. Mais c'est tout un défi. Parce que ça nécessite d'être capable, comme on dit, de mettre son ego sur la table. Alors, regardez vraiment qu'est-ce qui se passe. Puis, c'est quoi les motivations? Tu sais, si par exemple, moi, j'ai pas le goût d'aller asseoir de m'entraîner parce que j'ai plus le goût de parler au micro, ben, ma motivation, c'est ça. Tu sais, c'est de voir aussi si on est hypocrite, si on ment aux autres. C'est de le regarder par rapport à soi-même. Donc, C'est particulier comme approche. La transparence en soi, pour moi, c'est fondamental parce que sans ça, la personne n'est pas capable de se libérer de voile qui l'empêche de voir clair en elle-même. Puis plus qu'on voit clair en soi-même, puis plus qu'on voit clair à l'intérieur des autres, parce que tout est interrelié. Et ça, c'est la beauté de la chose. Autrement dit, plus qu'on est capable de se comprendre, plus qu'on est en mesure, en proportion, de comprendre les autres. Parce que si on est à l'écoute de soi, d'une manière fondamentale, ben, on peut être à l'écoute des autres aussi, de la même façon. Si on se comprend sur le plan vibratoire, ben, on peut capter la vibration des autres, puis être capable de s'y ajuster en conséquence. C'est sûr que la transparence en soi, à soi, ouais, ça peut amener des changements dans sa vie, dans le sens que quelqu'un, par exemple, qui est en relation de couple avec une autre personne, mais il n'est pas vraiment bien puis ne veut pas se l'avouer, ben à ce moment-là, s'il est en déni de la situation, il n'est pas dans la transparence. Alors que si pour lui, il est capable de regarder clairement qu'il ne se sent pas bien, il se rend compte pas de mensonges pour se faire croire que ça va bien alors que ça ne va pas bien, ben à ce moment-là, il y a l'heure juste. Puis c'est en se coupant de leur juste de qu'est-ce qui se passe que là, la personne crée des voiles, puis à un moment donné, elle voit plus clair. Tu sais, à force de créer des voiles, puis il y a de la lourdeur énergétique qui s'installe, bien, ça devient tellement lourd, que pour que la personne en vienne à avoir clair de nouveau, souvent, ça va prendre une crise dans sa vie, parce que lorsque l'ego se laisse remplir par de l'astral, de la désinformation, du mensonge, qu'il garde dans un état de complaisance, bien, éventuellement, il devient opaque. Et pour que la lumière réussisse à passer à travers lui, la lumière du réel, eh bien, il faut qu'il y ait un choc qui déconstruise l'ego. Donc, quelqu'un qui se fait croire qu'il est bien avec une autre personne alors que c'est pas vrai, elle peut faire ça pendant 1 an, dans 10 ans, pendant 20 ans, mais à un moment donné, s'il n'y a pas de crise qui va remettre en question cette croyance erronée, avec une intensité inversement proportionnelle à l'énergie qui est investie pour maintenir la croyance, elle ne sera jamais délogée. Et si c'est une croyance rigidifiée sur plein d'années, ben, ça va prendre un choc inversement proportionnel pour que la personne ait l'heure juste. Et de toute façon, l'esprit au sein de l'individu va toujours travailler pour que l'individu ait l'heure juste par rapport à ce qui se passe. Mais si l'esprit est bloqué, il va créer des événements initiatiques pour que la communication avec l'ego soit débloquée. Parce que le but de l'esprit, c'est que l'ego s'ajuste au réel. Et l'esprit va tout le temps s'organiser pour créer des événements oppositionnels pour co-circuiter l'ego qui se désinforme puis qui désinforme son environnement également dans une optique de domination, dans une optique de nourrir un orgueil qui est atrophié. Donc, c'est sûr que si l'ego, par exemple, se croit comme étant la personne la plus forte pour soulever des poids et haltères, puis elle se donne de l'autorité là-dedans, puis elle nourrit un orgueil, puis un sentiment de supériorité qui amène cette personne à vouloir dominer les autres, bien, l'esprit peut créer un événement où, à la salle d'entraînement, curieusement, une personne plus forte qu'elle décide aujourd'hui de s'entraîner à côté d'elle, puis la met à réaliser que finalement, c'est pas elle qui soulève la plus grande quantité de poids et haltères. Autrement dit, l'esprit va créer des événements oppositionnels pour réajuster l'ego tant qu'il ne sera pas parfaitement ajusté à lui. Mais le jour que l'ego est ajusté à l'esprit, il n'y a plus besoin d'événements oppositionnels à ce moment-là pour le réajuster parce qu'il est ajusté. Mais pour être ajusté à l'esprit, il faut être 100% transparent en soi. Mais à l'image de l'esprit, puis ça c'est subtil, c'est que l'ego a réalisé qu'il n'y a pas nécessairement à dire tout à tout le monde. D'ailleurs, l'esprit va procéder à beaucoup de dissimulations d'informations par rapport à des gens qui ne sont pas prêts à l'absorber. Sinon, ce que je voulais rajouter par rapport à la notion de transparence, pour moi, l'important, c'est que les gens soient respectés dans leur rythme de dévoilement. Donc, c'est sûr que, par exemple, si j'effectue une entrevue avec un ou une invitée, pour moi, ce qui est fondamental, c'est que si la personne est à l'aise de s'afficher publiquement avec sa photo son vrai nom, qu'elle le fasse, si elle n'est pas prête, elle n'est pas obligée de le faire. Donc, il ne faut pas que ça bloque la communication. Donc, c'est sûr que si quelqu'un, par exemple, effectue avec moi une entrevue, la personne, dans le fond, s'affiche pas sa photo, puis elle utilise un pseudonyme. Pour moi, c'est bien correct. Donc, la personne qui interagit avec moi, je laisse toujours le droit, dans le fond, de s'exposer ou non au public, puis à quel niveau, dans un dosage qui respecte ce qu'elle a envie. Pour moi, le respect individuel est fondamental. Et pour moi, quelqu'un qui utilise un pseudonyme ou qui n'affiche pas sa photo pour véhiculer des informations sur Internet, bien, c'est correct, parce que pour moi, ce qui est important, c'est que c'est la vibration qui passe. Que la personne s'affiche avec sa photo, ou qu'elle utilise un pseudonyme ou pas, qu'elle soit éduquée ou pas, qu'elle soit riche ou pauvre, peu importe les polarités qui peuvent être associées à l'ego ou à la forme, pour moi, l'essentiel, c'est que la vibration passe, en dépit de tout. Et pour moi, en réalité, ce qui est important, c'est que la personne soit transparente en elle-même. Qu'elle soit transparente par rapport aux autres, qu'elle montre tout ou pas aux autres, ça y appartient. Tu sais, qu'elle présente sa photo aux autres, c'est quoi son vrai nom, ça y appartient. Puis pour moi, ça doit être respecté. J'ai toujours eu cette approche-là dans les entrevues que je fais sur ma chaîne. Ma volonté de respecter l'individu qui parle d'une manière fondamentale, parce que pour moi, c'est l'une des plus belles démonstrations qu'on peut faire par rapport à l'intégration du principe de l'amour de l'humain pour l'humain. Pour moi, manifester le principe de l'intégrer dans mes interactions avec les gens de l'amour de l'humain pour l'humain, c'est de laisser l'être humain être ce qui est en fonction de ce qu'il est prêt à dévoiler. Pour moi, en réalité, ce qui est fondamental, c'est que les gens se respectent dans leur rythme de dévoilement public, en fonction de ce qu'ils sont prêts à assumer. Tu sais, si je vous donne un exemple concret, si je connais quelqu'un qui est homosexuel, qui ne l'affiche pas sur la place publique, puis là, il y a quelqu'un qui vient me voir et dit « Ah, telle personne est homosexuelle, puis elle s'affiche pas. » Ben oui, mais ça y appartient. Si la personne a envie de le mentionner publiquement qu'elle est homosexuelle, c'est bien correct, mais c'est pas à moi d'aller mentionner publiquement que telle personne est homosexuelle. Moi, mon approche est la suivante pour respecter au maximum l'individu. C'est-à-dire que lorsque la personne se sent prête, ben, qu'elle s'affiche publiquement comme étant homosexuelle, dans le respect de son individualité et dans son temps à elle. C'est pas à moi d'imposer un temps et de parler de ça publiquement. D'ailleurs, j'ai une approche qui est plus dans le respect que la personne dévoile les choses par elle-même au lieu de dévoiler les choses à sa place. Pour moi, c'est un manque de respect. Donc, quelqu'un qui va dire qu'une personne a manque de transparence parce qu'elle s'affiche pas comme étant homosexuelle alors qu'elle l'est, pour moi, c'est une critique qui n'est pas recevable. Pour moi, ce qui est fondamental, c'est que la personne qui est homosexuelle soit capable de le voir en elle-même qu'elle l'est, qu'elle s'assume à ce niveau-là, mais elle n'a pas nécessairement à le crier sur les toits puis à le dire à tout le monde. Donc, pour moi, la transparence, c'est pas à ce niveau-là. Donc, quelqu'un qui se fait reprocher de ne pas être transparente parce qu'elle ne parle pas de ça, pour moi, c'est pas un reproche qui est valable. C'est la façon que je vois les choses. C'est sûr que si, par exemple, une personne que je connais qui est homosexuelle, elle en parle publiquement, ben c'est bien correct pour moi. Moi, dans mon approche, mais d'ailleurs, j'ai été en contact avec des gens de différentes orientations sexuelles. À un moment donné, j'ai déjà discuté avec des gens homosexuels, j'ai discuté avec une personne qui est transgenre aussi. Puis pour moi, dans le fond, j'ai aucun problème avec les différents types d'orientation sexuelle. Pour moi, chaque être humain doit être respecté par rapport à son identité réelle. C'est tout simplement la façon que je vois les choses. Et puis, c'est sûr que chaque chose doit venir en son temps. Il ne faut pas que les gens, dans un esprit de chercher la transparence à tout prix par rapport aux autres, cherchent à brusquer des choses. Parce qu'à ce moment-là, c'est un manque de respect. D'ailleurs, j'ai discuté récemment là, à la plage naturiste, dans le fond, avec quelqu'un qui pratique le naturisme, mais qui n'en parle pas avec ses parents, parce qu'ils sont dans un milieu religieux plus rigide. C'est un gars à peu près de mon âge, j'ai trouvé ça intéressant de discuter avec lui, puis il n'a pas nécessairement à dévoiler qu'il va à la plage naturiste à eux autres. En tout cas, moi, je n'ai pas nécessairement à parler de ça que je vois à la place d'un naturiste à ma grand-mère, sachant très bien que par rapport à la divergence du rapport à la religion, rapport au corps d'une génération à l'autre, c'est pas pareil. Elle était dans la religion catholique mur à mur, en allant à la messe tous les dimanches, puis que le corps est nu était vu comme une occasion de péché, quelque chose de mauvais, quelque chose qu'on devait se culpabiliser si on a regardé un corps nu. Donc, c'est une autre mentalité. Puis si elle n'a pas nécessairement à sortir de ça, ben ça y appartient. Mais moi, ce qui m'appartient, c'est d'être bien dans ma peau. Puis si ça consiste à pratiquer le naturisme, ben, à ce moment-là, c'est ainsi. Moi, si je suis bien dans ma peau comme ça, puis intérieurement, ça me dit oui, c'est correct. Si j'ai pas d'opposition avec mon esprit, lorsque j'ai une communication télépathique avec lui, à faire du naturisme, ben, j'ai pas à m'en priver pour des raisons de conditionnement social ou religieux associées à d'autres générations qui m'ont précédé. Donc, voilà où je voulais en venir. Fait que la transparence, pour moi, c'est quelque chose de personnel en soi. C'est pas nécessairement par rapport au collectif.